duma palca, no kuj se nie gromy, bo pójdę do tańca, no kuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Al Wesker à nouveau consacré aujourd'hui aux États baltes. Salut souris. Eh ben salut Melky et salut tout le monde comme d'hab. Ouais. Et on change pas l'introduction quoi, voilà. Non non, c'est clair. Je suis pas inspiré en plus aujourd'hui alors du coup on en restera là. En tout cas, on va commencer du côté de Vilnius en Lituanie. Ouais, c'est ça. Un groupe qui date de 2006. Alors encore avec un nom qui n'a pas l'air forcément difficile à prononcer. Il y a juste des caractères un peu zarbi. Donc bon. Avarinis Iegimas. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Ça veut dire entrée d'urgence. Et le titre, c'est Netikek, qui veut dire ne crois pas. C'est un titre vraiment clairement anti-religion, quoi. Ok. C'était Avarinis Niejimas avec le titre Nietikek. Et on reste en Lituanie, à Vilnius, toujours dans les années 2000, avec Nek Varkoy. Ouais, Ned Varkoy, un petit groupe qui porte bien son nom, hein, voilà. Un groupe de 2004 et le titre, très facile à comprendre et à lire. Punk and roll. Et Pour on une va fois. l'enchaîner avec Bataille Pavat. Donne la papatte. Donne la papatte. Toujours de Bataille fat. Lituanie. Pardon, j'ai pas entendu. Bataille fat. Bataille fat, voilà. Ouais, de Lituanie, mais alors par contre, j'ai pas trouvé la ville exacte. Je sais pas si c'est Vilnius ou une autre ville. Voilà. Un groupe de ska punk et le titre, c'est Jivenimas, qui veut dire vie. Reżimą nepełna, ty zaczka głosu zjadłaś nieźmo. Na tej natrugnowanku opiętać namawiał pan. Skrytę wytę po śniadru, jak pan głoś gnął. Rpoty z przolosu, esiala i makaria. Sytyk syna baria, kur gros, ty swój Parker Odyssey. Na gwiazd własną, to nie lepiej mocy moc. Rosną gołcy zerwy, rdokną gruzy mogą moc. Nie tak jest na gwiazd was, drugie z kopu sutki. Na płaszcza mu pan kroku, prawie ci tak leczu, a czyli Rela i materia, stosunki z tyna baria. Rugos, ty swoj, płakę roga zej. Na rejsiwa unia pyrnaty, gacie prudosu świetłość, nie iść mono. Na tej na trudno mańsku, odwiedzać nie ma wiatr. Nie będzie ten pasz na galu, na pan głoś nie dał. Rzok z przolestu, jest wiela i wakaria. Sysy pieksy na baria, kurwoś i swoj, panie rodosej. No. Tai daina, o ne prikolas. Gyveni. O, sūrio nori? O, maiskuko. Tai tepamas sūris, pydarė, ble, kaip zagebys, pizda. Pradėsi tu iš naujo. Nereiks daugiau kentėt. Nereiks daugiau kraujo. Ir viskas, kas blogai. galėsi tu išvengti savęs ir tu taip pradėsi vėl gyventi. Nieko nepakeisi, nes jau toks tas gyvenimas, kuris kartais kartus tarsi ryšulinio senamas. Tai kam kankint save ir nuodi to protą, ką mokėt už tai, kas tau nemokamai duota. Donc d'écouter deux morceaux de groupe de Vilnius, Nekt Varkoy avec le titre Punk and Roll et Vaitai Fat avec Jevenimas. Et nous allons aller maintenant faire un tour du côté de l'Estonie à Tallinn avec Conflict OK. Ouais, alors je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on en avait déjà joué dans une émission précédente. Ça me dit quelque chose en effet. Ouais, hein, c'est un groupe qui a été formé en 98 à Tallinn, donc comme tu disais, Estonie, avec un chant féminin. J'ai choisi deux titres, c'est Over, qui veut dire victime, et alors, pareil, il y a des petits accents bizarres, je ne sais pas si je prononcerai correctement, Tanu Volglane, qui veut dire merci. Conflict OK avec Over et Tanul Volglane. Ah, enfin un groupe avec un nom qu'on va savoir prononcer. Ouais. Aknul. Aknul, ouais. Mais on est toujours en Estonie, comme tu disais, ouais. 2000, de 2001. Et alors le titre c'est Nilus. J'ai trouvé en traduction sur le Nil. Après, est-ce que c'est correct? Je ne le garantirai pas. Bon, en tout cas, ça nous va comme traduction. Écoute, voilà. Hein. ça paraît logique, mais... Ça paraît logique. du kan skine selv. Hold mine blodstyr rene. Hold on, hold your man. Bare nei, bare noe gær og der. Gjød at meg er svak. Sala min der er veine. Når den er reis, sala min er svak. Olen så høyge møte. Olen så kalkin sterk. Har mine smutte renta. Olen har jammer. Den er vel under kjøretan. Det er så høyge er slag. Den er vel der av vei mer. Og den er bare med meg bakker. C'était Aknul avec Nilus. Et oh, tiens, on va retourner faire un petit saut en Lituanie, tiens. Ouais, voilà, avant de revenir en Estonie, on fait un petit crochet de nouveau par la Lituanie, parce qu'on aime bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. avec Wasted Bullets, un groupe de punk hardcore de 2005. Et le titre, c'était Isejas P. Mantijos, qui voudrait dire donc un juge sans manteau, sans toge, quoi. Hardcore lituanien avec Wasted Bullets et Teisejas B. Mantijos. Ouf! Allez! On va finir en Estonie dans les années 90 avec Psychoterror. Ouais. Non, on les a déjà mis, je pense. Hein. Je ne suis plus sûr. Alors là, je t'avoue. Ah, j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute aussi, puis alors que mon cerveau fonctionne pas très bien aujourd'hui, là, je pense que je vais le laisser tranquille, je vais pas le faire fumer, là.

Et c'est avec ces titres de Psychoterror d'Estonie que nous terminons cette émission. Merci à toi, Souris, pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Ben écoute, comme on dit du coup tout le temps, avec plaisir. Voilà. Le plaisir était pour moi, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, ouais. Découverte et tout. Voilà. Restez à l'écoute de Druigiz Radio, car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!